Se vocês sabem o que se passa aqui neste estudo, vocês nem imaginam, nem imaginam. É assim, vem de nascer aqui uma coisa extraordinária. Vamos pôr a cantar a nossa... Histórica, também. Vamos pôr aqui a cantar a nossa animadora, Carla, em direto, na presença do toque da guitarra do Abel. Um dueto. Um dueto extraordinário. Vamos lá ouvir. Em direto. Sem preparação, sem nada. Saiu assim. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûté que ma maman me dit ralenti. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, sous tes gestes en douceur, lentement dirigé, sensualité. Oh stop, à l'instant, j'aimerais que ce moment fitte pour des tas d'années, ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, et maman m'avait dit ralenti, t'es sûr ou amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour de ta vie ta sensualité. Merci. Wow. Oh. Extra ça. Ça, j'adore moi des trucs comme ça. Ah, l'improvise là, c'est bon ça. Oh, c'est bon. On va penser à mon chèque par contre. Merci Carla. Merci, merci Abel. Ah, super. Mmh. Merci Walter. Moi j'ai rien fait. Après, c'est Walter qui chante une chanson. Ouais, bah, alors là, c'est l'ouragan qui va arriver sur Orléans. Bah, moi je commence à partir. Pardon. Non plus, vous ne faites pas chanter. Moi, je veux bien parler, mais pas chanter. Je suis une vraie casserole. Mais bon, en tout cas, bah, merci beaucoup. C'est ça la radio. Le live, c'est très important. Merci à vous deux. C'était super, super, super. Et voilà, Carla, qui n'est pas du tout dans la musique, parce que c'est juste une petite passion, mais elle est à fond animatrice radio. Et c'est ça le plus important. C'est ça. La radio, bah, j'ai plein de petites passions au final. Hein. Oui, c'est vrai. T'as une vie passionnelle. Hein. Voilà, exactement. C'est ça qu'on apprécie chez toi. Merci Carla. Abel, un moment extraordinaire de venir aux sources de la radio, parce que souvent, c'est ce que je dis, c'est super de passer les titres de nos chanteurs et tout ça, mais vous avoir sur place à la radio, je crois que c'est la meilleure récompense qu'un animateur puisse avoir. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux quand même. Le direct, le live, l'énergie, tout est là. Tout à fait. La scène, c'est encore autre chose, parce que voilà, vous vivez pleinement votre vie musicale. Mais venir à la radio, le présenter, c'est le merci qu'on puisse donner aux animateurs, n'est-ce pas ? C'est vrai que c'est une récompense. Et, alors, bien sûr, pour nous, animateurs, mais plutôt ex-animateurs comme moi, mais surtout pour nos auditeurs. Parce que c'est vrai que là, avoir le chanteur en live, pouvoir entendre sa voix en live à la radio, c'est totalement différent et c'est un bonheur. Enfin, c'est immensurable, quoi. Tout à fait. Et c'est ce qu'on apprécie. En plus, le matin, en plus. Et c'est toujours le matin, en plus. Bon, et la radio, c'est au réveil, hein. Ouais. Voilà, c'est la petite compagnie du matin, c'est ça, parce que la journée on bouge, on n'a pas le temps. Et le matin on est à la maison, en plus il fait pas beau aujourd'hui, donc nous on est les petits rayons de soleil chez les gens ce matin. C'est vrai qu'il fait très moche. Moi j'aurais aimé demander une dernière chanson si tu la connais, mais toi tout seul. Hein. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais. C'est un jukebox, hein, tu peux y aller. J'ai dit je pouvais bien, de pas où pense. Ah, mais j'ai pas la guitare. Je la connais, mais j'ai jamais joué. Et c'est la guitare. Ouais. C'est dommage. Une autre, alors. J'avais fait laquelle? J'avais fait Dej, quoi, je te doudou. Ça, c'était de qui, déjà? Je connais pas. Ouais, non. Et tu peux nous la faire quand même. Tu vas nous choisir tout ça. Ouais, je vais regarder, je vais réfléchir dans le jukebox. Tu vas réfléchir dans... Et entre-temps, on va parler comment, où retrouver Abel les prochains jours, les prochains mois, une jolie tournée qui commence, c'est ça? Voilà, c'est ça, on est en train de tourner sur les radios, on était à Bordeaux la semaine dernière, on est aujourd'hui à Orléans, et puis ça va continuer, bientôt il va être sur Paris, il va avoir une radio sur Paris là prochainement, il va avoir des radios au Portugal aussi. Voilà, maintenant on est vraiment dans la promotion de ces deux derniers singles qui sont Kuluya et Tejul. Et voilà, on va continuer l'aventure. Il y a cette aventure avec l'album qui va arriver aussi, qu'on est en train de préparer tranquillement. On va pas se dépêcher à le faire. On va prendre le temps. Comme ça, on va pouvoir choisir. Voilà, il a envie d'aller vers une couleur musicale qui est plus le latino. Donc, on va essayer de mélanger un petit peu tout ça entre le français, le portugais et l'espagnol, parce que je crois que c'est son vœu. Ouais, c'est ce que j'aime, mélanger ces langues. Voilà. Et puis voilà. Donc, je disais voilà, on prépare l'album. Et aussi, bon, on va préparer donc les showcases. Et surtout, moi, j'ai mes soirées aussi sur Paris, cabaret parisien. Pas mal de soirées privées. Donc, pareil, donc, des fois, je me dis... mais pourquoi je suis pas routier, en fait? Je suis toujours sur la route. Pourquoi t'es pas routier? Bah écoute, Je suis toujours sur la route. Donc finalement, il me faut un chauffeur parce que j'en peux plus. Là, je partais Bordeaux, hop, soirée Lyon, je repars en Belgique. Non, mais ça... Non, mais des fois, c'est fatigant. C'est la vie d'artiste. Ouais, c'est fatigant quand je. Ouais, c'est que moi qui conduis. Le voyage forme la jeunesse. Ah ouais. Ouais. C'est Portugal, je reviens, je repars, je vais. Simple caminho, pas. Simple. Simple caminho. Mais enquanto que caminho, que há caminho para andar, é uma boa coisa para ti. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Et comment rentrer en contact avec toi? Où regarder? Où t'écouter? Comment ça se passe? 06 06 06 06 06 06 69. Donc alors tu veux m'écouter? Tu as le... Donc alors non, sur Facebook, donc c'est Abel Marta Facebook, et Instagram par Abel Marta Off, comme officiel. Voilà. Très bien. C'est très simple. Il y a toutes les nouveautés, toutes les actualités. Et on peut t'écouter aussi. On peut m'écouter sur YouTube. Nickel. Ou alors on peut se procurer aussi le titre, dernier titre, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Deezer, iTunes et Spotify. Et... Voilà, toutes les plateformes. Et donc pour te contacter, pour te rentrer en contact avec toi pour effectivement des concerts et autres, on contacte monsieur. Ouais, on peut contacter tout à fait sur mon Facebook, hein, on tape Walter Ferdi et puis on arrivera directement dessus. Il n'y en a pas 36 000 et puis on pourra discuter de tout ça. Voilà, tout est dit. Walter, ancien politicien. C'est vrai? Ah ouais. On rigole. Hein. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'on rigole tout le temps. Eh ben, c'est ça qui est bon. Mais c'est même pas un manager, c'est. On est vraiment des amis. Non, plus que des amis. Ouais. C'est la famille. Cousin, petit cousin. Et puis, vous m'oubliez pas, je suis la marraine. Ah bah non, la marraine. Non, n'oublie pas la marraine, jamais. Très bien, je suis heureuse que ça puisse aboutir et effectivement, et longue vie à vous deux dans cette carrière. Merci beaucoup et longue vie à Radio Arc-en-Ciel aussi. Mais uma vez, vou falar um bocadinho em português, mais uma vez é um grande prazer, foi um grande prazer estar aqui convosco. É um grande orgulho poder passar por aqui. Continuo, porque vocês fazem trabalho fantástico. E é preciso dizê-lo, é importante, porque é verdade que temos que conseguir a ter as nossas emissões assim em português e com as rádios por toda a França, porque toda a gente sabe que é um quadro complicado. Força, e como tenho sempre o hábito de dizer, estamos juntos. Obrigada. Força Portugal. Força Abel, força Walter e força Carla, então. Je signe pour le prochain. Ah pour oui. un duo. Ah bah avec plaisir. Ah bah alors là, on ah ouais. la voit plus. On la voit plus. En tout cas, mmh. merci. Abel, un petit live ou un petit jolo. Un petit jolo live. Non. On va l'écouter. Ça veut dire en plus. Alors un petit live, le petit jolo, je te le mets ici. Voilà. Ça te va comme ça, c'est bien. Parce que là, ça va être dur. Allez, c'est parti. Une petite musique brésilienne. Une petite live. C'est la musique. C'est à vous. Oula. Oula. C'est loin. Sinon, il peut te chanter aussi. C'est parti, meu coração. C'est à vous, je l'ai, mais bon, ça fait un petit moment que je la chante. C'est rare. Je la chante rarement. Oh, il y en a plein. Le répertoire est tellement grand. Tellement. Ah ouais. C'est plus choisir. Ouais, moi, j'en fais une que tranquillement. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. A vozinha está sozinha. A ver a morte aproximar. Sacrifícios aumentados redobrem nisso pode ser. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Vamos! Lá nasceu Cabo Verde, Portugal. Vai pra Angola. Lá nasceu uma estrela que cata brilhava. Lá no mar de uma reia que catamojava, espalhou do Nessimon fora, sorrocha e mara, espalhou do Nessimon fora, sorrocha e mara. Terá pobre cheia de amor, temor na tem coladeira, terá pobre cheia de amor, tem batuca, tem funana, ema, oi tem saudade. Saudade, saudade, tem saquizomba, oi tanto saudade, saudade sem fim, petit pays, je t'aime beaucoup, petit, je l'aime beaucoup, petit pays, je t'aime beaucoup, petit, je l'aime beaucoup. On y va tous ensemble, petit pays. Je t'aime beaucoup. J'entends rien. Petit, c'est ça. Je l'aime beaucoup. Ah, j'entends là. Petit, je l'aime beaucoup. Petit Portugal, on t'aime plus que beaucoup. Tout mais. Obrigado. Obrigado. Fantástico, muito, muito obrigado. Uma longa vida para ti, para a tua carreira. E muito obrigado, Walter, por esta visita, por este momento magnífico. Obrigado a nós. Um beijo grande. Merci, um grande abraço. E merci, Arconcel. Merci, Cristina. E Carla, Walter. Merci a toi e merci a Walter. Todo mundo. E o Portugal inteiro. Obrigado. Obrigada. Até breve. E ficamos então na voz de Abel. Te juro. E te juro que voltas a vir. Eu te juro. Vai embora. Eu quero, exijo explicação. E uma vez eu te disse que é sua imaginação. Você nada viu. Puedes hacer de todo. Solo no me dejes solo. Eso no es normal. Te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo. Solo no me dejes solo. Eso no es normal. Te juro que no pasó nada con ella. Porque te amo. Porque te amo.